Chapitre 38e. Langlois se rendit chez Rose à l'heure qu'il avait fixée. Malgré le calme impénétrable dont il s'était efforcé depuis si longtemps de se faire une cuirasse, le cœur lui battait un peu, en attendant qu'on répondît à l'appel de son coup de sonnette. Cette Rose étrange, qui avait tenu jadis tant de place dans sa vie, ne pouvait, quoi qu'il en eût, se laisser reléguer à un rang secondaire. Il pouvait ne pas penser à elle, mais quand il y songeait, c'était avec une émotion singulièrement mêlée de colère, de mépris et d'une violence qui, malgré le temps et les événements, était peut-être encore de la passion. Il fut introduit près d'elle dans le salon banal et luxueux. Rose n'avait jamais su donner au lieu qu'elle habitait quelque chose de sa propre personnalité. Une longue habitude des appartements meublés l'avait rendue indifférente à la physionomie du mobilier, si intéressante cependant et parfois si éloquente. En le voyant, elle se leva et lui indiqua un siège. Il s'assit en face d'elle pour la regarder attentivement, en médecin, et vit qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. « Vous êtes souffrante ?» lui dit-il, voyant qu'elle ne se décidait pas à parler. Elle fit un geste de la main comme pour écarter cette idée. « Je souffre certainement, » dit-elle, « mais c'est de peu d'importance. La vérité, monsieur, c'est que j'ai voulu vous parler et qu'il me fallait un prétexte. » Langlois se leva. « Je vous demande infiniment pardon. Mais mon temps est très précieux, mes malades m'attendent. Il s'agit d'André et de votre belle-sœur, » dit Rose, d'un ton calme, presque triste. Langlois se rassit. Nous sommes tous vis-à-vis les uns des autres dans des relations si singulières, » continua Madame André, « que nous sommes obligés de parler de choses bizarres auxquelles il est convenu qu'entre gens bien élevés on s'abstient de faire allusion. Mais, monsieur, nous ne sommes pas dans une situation ordinaire. Et il faut agir un peu autrement. Sans préambule et sans feinte, abordons un sujet délicat. Mon mari aime votre belle-sœur. Cela doit vous mettre dans un très grand embarras. Votre mari et ma belle-sœur ont tous les deux un haut degré le sentiment de leur devoir. Ils sont à plaindre. Mais si c'est pour vous un motif de chagrin, ce n'est pas un sujet d'embarras. Quel que soit le nom que vous donniez aux choses, fit Rose avec une légère nuance d'impatience, elle subsiste néanmoins. Il serait préférable, n'est-il pas vrai, que cela n'eût jamais été, ou que cela cessât d'être. Incontestablement, dit Langlois en s'inclinant. Eh bien, monsieur, si vous voulez m'aider un peu, tout pourra peut-être s'arranger. Je vais vous apprendre quelque chose de bien étrange. Vous ne voudrez peut-être pas me croire, et cependant je vous affirme que cela est... « Soyez convaincu qu'à vous, plus qu'à tout autre, il m'est pénible de le révéler. J'aime André, monsieur. Je l'aime passionnément. Et il daigne à peine s'apercevoir de mon existence. Si André revenait à m'aimer, ou simplement à penser qu'il doit m'aimer, ne croyez-vous pas que par là bien des difficultés seraient aplanies ?» Le docteur resta absolument muet. De toutes les choses possibles, celle-ci était assurément la moins prévue. « Je sais, reprit Rose, ce que vous allez me dire. J'aurais dû commencer plus tôt. À l'époque où ces sentiments de ma part eussent assuré la paix et le bonheur à tout ce qui m'entourait, c'est vrai, je le reconnais. Mais nous ne pouvons revenir sur le passé. Il s'agit maintenant de l'avenir. Voulez-vous m'aider à reconquérir le cœur de mon mari ?»« Cela, madame, répondit Langlois, n'est en rien de mon ressort et je me reconnais incapable d'y concourir. C'est à André seul de juger de la conduite qu'il doit tenir. Lui avez-vous fait connaître le changement qui s'est opéré à son égard dans votre manière de voir ? Non, dit brièvement Rose. Raison de plus, alors, pour que je m'abstienne. Mais en admettant qu'il le connût, plus tard, s'il vous demandait conseil, seriez-vous pour ou contre moi ? Ni pour ni contre, madame. Je n'ai aucun conseil à lui donner en cette matière. Cependant, fit Rose avec un accent hautain, vous auriez lieu d'être satisfait, ce me semble, si mon mari se détachait de votre belle-sœur. Nous ne parlerons pas de ceci non plus, madame, dit Langlois. Ce sont des questions que nous ne pouvons aborder que dans le cercle le plus étroit de la famille. Ah, fit la jeune femme, qui sentit une flèche aiguë lui traverser le cœur. Cela ne m'étonne pas, d'ailleurs, vous n'avez jamais été mon ami. Plus que vous ne le pensez, riposta le docteur en la regardant bien en face, et j'aimais plus lorsque je mettais obstacle à vos desseins. Elle baissa les yeux et mordit son mouchoir. « Ne parlons pas du passé, » répéta-t-elle au bout d'un instant, avec une douceur inaccoutumée. « Je suis réellement malade, docteur. Je ne dors plus du tout. Et j'ai des douleurs le long de l'épine dorsale. Vous m'avez ordonné jadis une potion qui me faisait le plus grand bien. Vous en souvenez-vous ?»« Oui, » répondit l'anglais. « C'était un médicament énergique, mais rapide et sûr, de l'opium à dose considérable. » J'éprouve exactement les mêmes symptômes que dans ce temps-là. Ne pourriez-vous pas me refaire l'ordonnance ? Le médecin la regarda plus attentivement encore. Êtes-vous sûr d'éprouver les douleurs dont vous parlez ? Je n'aimerais pas vous donner un remède aussi violent sans une nécessité absolue. Rose lui décrivit exactement les symptômes les plus pénibles de la dernière période de sa maladie, où les douleurs lui enlevaient le sommeil. Les yeux cernés, le teint plombé, l'air affaissé et souffrant de la jeune femme confirmaient ses affirmations, cependant Langlois ne se sentait pas persuadé. « Je vais vous faire une ordonnance, » dit-il, et il s'assit devant le petit bureau de Rose pour écrire quelques lignes. Elle regardait par-dessus son épaule. « Pourquoi m'en donnez-vous moitié moins qu'autrefois ? Les quantités étaient doubles, je m'en souviens bien. « C'est que vous êtes beaucoup moins malade, » répondit-il en la regardant fixement. « C'est très dangereux, madame, ce que vous m'avez demandé. Soyez prudente dans l'emploi que vous en ferez, si minime que soit la quantité que j'ai fixée. » « N'ayez aucune crainte, » fit Rose avec un sourire étrange, en pliant soigneusement l'ordonnance. « Je n'ai pas la moindre envie de m'en servir contre qui que ce soit. » Langlois n'en était pas bien persuadé, mais il pensa qu'au pis-aller, il avait le temps d'avertir André. Et qu'avec une dose aussi faible, Rose, quelles que fussent ses intentions, ne pourrait pas faire beaucoup de mal. Il se retira avec quelques paroles de politesse et quand il fut dans la rue, il respira plus librement. Mais tout le jour, il resta stupéfait de ce qu'il avait appris. Rose, aimant André après le drame qui les avait séparés, c'était le comble de l'absurdité. Mais avec elle, il fallait s'attendre à tout.